enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Never think me quack if it's poppin', I got your back. If it's stallin', I got your back. If they beefin' and we attack, cause we riding and now in the position to define a mission and dreams. Focus the cameras over here on me, I'm speaking. I radiate a vibe that's kept many alive while causing others to go out of their mind at the same time. I'm only human and doing what others doing, like running a rat race. We're trying to fill a space, fill the place with heads and let them hear my shit. Crowd don't lie, they'll let you know if it's a hit or miss. Unless they're hypocrites, you know, depending on the weather, be the outcome of them saying your old shit is better. That's some cold shit, but I'm prepared for it to happen. Sometimes an upgrade in the drive, I bring about a chain reaction, evolution. Let them understand why I'm doing this. My style ain't changed, bitch. You need to mind your business. And just take it for what it is. Take it for what it is. Just take it for what it is. Take it for what it is. Just take it for what it is and focus. No big head, just focus. Tell them bring it, if it's soft, tell them bring it. Cause I came to get wicked and I'm wildin' like a lunatic. You know how I am, like the pale face offspring of another dimension. I blend like camouflage and pose for cameras. I roll it in entourage of people that'll bury ya. My stamina keeps getting stronger with every page that I write. Putting my weight on it, making sure that it's skin tight. I'm only human and doing what others doing, like extending the craft in an effort to make scratch. So what you're saying is I can never compete in an upset. Diabetic music industry. I'm sweet like candy and I'm painted like Dutch boys. Stay afloat like rap, we're remaining self-employed. This ain't no hobby, I ain't never go away. And I'ma be here forever and a day. Just take it for what it is, take it for what it is. Just take it for what it is, take it for what it is. Just take it for what it is and focus. No big head, just focus. Cause I'm flipping it like a script and I'm spitting it from my lips and I'm dropping it like some shit. Cause I'm feeling like fuck them all and I don't care what they think. You see, I wait for them to slip and I attack when they blink. Because life is a struggle and I'm caught in a web. I got a lot of bullshit floating around in my head and I'm dead. I'm only human and doing what others doing, like pushing a product to everyone who ain't got it. If you ain't riding with this bump in your trunk, then chances are you just a bitch or a punk with no nuts. And my cuts are razor sharp like a samurai sword. The scoreboard. And it's us zipping them in the lead. The showdown, the underground versus the mainstream. And now, 3-point from half court with all net. And you can put that on the red. Just take it for what it is, take it for what it is. Just take it for what it is, take it for what it is. Just take it for what it is and focus. No big head, just focus. Mon mal de genou apparut comme par démagogie. Je me pointe donc à l'orgie de l'urgence, brandissant ma carte nuageuse qui témoigne de notre endettement. Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Peut-on me servir comme à la boucherie, mon infirmière supérieure? Allez-vous me piquer le postérieur pour un trouble à la jambe? Sortirai-je aujourd'hui ou en novembre? La nourriture d'hôpital rend-elle malade? Comment guérir de tout ça? La crevaison de la vie demeure-t-elle une solution? Tant de questions qui s'épongent dans l'oubli. Bravo. Bravo. Bravo. Ça va bien, vous? Hey, j'ajuste mon micro. Je prothèse ma gaitane. Prothèse. Et puis ma prothèse, ben, je la laisse tranquille. Positionnée devant l'horizon. Histoire de... Moi, je me... Non, mais sincèrement, je me demande, pas trop souvent, juste à l'occasion, comment les idées me parviennent. C'est important de savoir ça parce que c'est une émission. Excusez-moi. Oui, merci, le petit pète. C'est une émission qui nous amène dans des, dans ces sentiers-là, dans ces tunnels-là. Tunnel, je préfère tunnel. Pourquoi? C'est simple. Souvent, il fait noir. On cherche, sans trop savoir quoi, la sortie. Puis en même temps, tu sais, la peur, là, ça nous anime. Il y a mon ami Renaud Séchant qui dit « J'aime tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. » Ça, c'est mon estomac qui parle. Hello? Ouais. Oui, parce que là, c'est à l'interne. Excusez-moi, on peut pas, mais je vais essayer de traduire. Oui, ouais, je sais que ouais, la dernière nourriture que j'ai gobée, à part les critiques de mon entreprise à laquelle je travaille, pour laquelle je travaille depuis belle lurette, non, pas l'entreprise, mais non, pas c'est KRL, je l'aime, je l'embrasse, c'est mon amour. Mais l'autre, là, j'ai mal digéré, je crois bien, mes cornichons à l'agneau. Mais je vais vous raconter. Non, mais c'est ça, c'est important de savoir comment on peut trouver des cornichons à l'agneau, hein. C'est que, normalement, il va partir. Non, si je dis, ça, ce qui m'est arrivé il y a 3 jours avant de manger. Ce genre d'aliment-là. C'est qu'il y avait l'animal qui était dans les champs, dans le champ. Mais il y en avait plusieurs de ces animaux-là là, devant moi. Là. C'était comme une peinture, merci madame, une peinture ou un film d'Orson Welles. Oh, on ne dira pas Citizen Kane, tout le monde le connaît. Bon, dans les universités, on étudie Citizen Kane. Hey, on va placer la dame de Shanghai! OK? C'est que je faisais un traveling comme Orson pouvait le faire. Je peux dire Orson, je le connais très bien. C'est moi qui lui servais de l'eau chaude là, quand il y avait des problèmes de jambes. Ça, c'est un homme quand même intéressant, même très intéressant. Il a fait de la radio! Faites croire à du monde. OK, on se rapproche. Rapprochez-vous de la radio. Là. On va communiquer comme si on était devant un feu de camp. Mais il n'y a pas de feu. Puis il n'y a pas de camp. Mais foutez pas le camp, restez au 89.1. Parce que l'histoire que je vais vous relater, dire... Non, j'ai pas une extinction de voix. Je suis pas non plus le frère de René Angelil. Non. C'est que ça reste un secret. Orson Welles. Son film, c'est important de dire ça. Dans ma tête, là, c'est un film, mais non, c'est des émissions de radio. La guerre des mondes. J'en ai parlé il y a peut-être quelques années. Ça, je radote. Hein? Là, Manon Canal, vous en a parlé il y a quelques semaines. Traverser les rues de gauche à droite, de haut en bas. N'oubliez pas de haut en bas parce que depuis plusieurs Moi, j'ai appris qu'on pourrait avoir, je répète, on pourrait avoir, pas avoir, là. Nous, c'est avoir, au Québec, juste au Québec, pas ailleurs, là, pas au Népal, pas aux, hein, au Zimbabwe. Zimbabwe, sur le sel du Zimbabwe. Non, c'est pas là. Mais c'est presque. Mais plus vers le Québec. Nous aurons, dans notre vie, très bientôt, un signe, un véritable signe. C'est pas l'oiseau là, avec ring rose, là, ring. Non, c'est pas ce signe-là, là. C'est un signe en haut. Oh, wow. Non, ça, c'est mon ambulance qui va venir me chercher dans quelques minutes. Mais il faut que je termine l'émission, s'il vous plaît. Mais le signe, c'est toujours pas l'oiseau, là. Jean-Pierre Coaly n'a rien à voir là-dedans. Mais, vous regardez, lorsque vous traversez à gauche, à droite, en haut, ils s'en viennent. Ils me l'ont dit. Bon, ils ne veulent pas parler de ça devant tout le monde, là. Mais comme je fais de la radio externe, c'est-à-dire maintenant, ce soir, là, nous sommes vendredi, et interne, dans ma, je fais des émissions dans ma tête. Continuellement. Pas juste les vendredis, là. 364 jours par année. 64 jours. Là, vous allez me dire, il reste un jour. Oui, c'est vrai, capitaine. C'est vrai, princesse. C'est vrai, la reine. C'est vrai, la petite pitoune. Mais la petite, je voulais dire, la petite pitoune. La petite pitoune, elle s'en vient. La petite pitoune. Non, excusez-moi. Mais, ouais, pour les vidéos, bonjour. On va faire partie de, peut-être dans... Pas trop réglo. 11 ans et plus. C'est affinité. Mais attention. Les extraterrestres s'en viennent. Puis là, c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pour très bientôt. Je répète, très bientôt. Tu t'es acheté un véhicule? Oui, c'est une soucoupe à lampe, puis elle va pas très bien. Elle marche, elle fonctionne à moteur. Non, allez-y, partez! Non. On ment à la fusion de mon esprit vis-à-vis cet habitacle qui me sert de locomotion. Et quand j'aime bien m'amener ailleurs, pas besoin de prendre l'autobus, hein, même de prendre l'auto tout court, ou tout court mes pieds, ou mes jambes à mon cou, j'ai mal aux genoux. Je l'ai dit, j'ai mal aux genoux. Mon genou est parti. J'ai bien hâte qu'il revienne. Ça fait... Non, hey, attention, dans ma tête, là, lorsque j'ai dit ça, je me rappelle du film Le Marquis. C'est pas une bande dessinée, c'est des personnages réels, mais avec des visages là, d'animaux. D'animaux. Je suis un animal, des animaux. Primal, primo. Rénal, rénaux. Quoique les rénaux ne se terminent pas rapidement, hein? On voit bien qu'il y a du monde qui parle, mais ça n'étend pas beaucoup de peinture sur les murs. Ils sont payés à l'heure, à l'inconscient collectif. Hey, moi, là, je suis allé à Cuba. Il y avait de la pétone, mais j'étais avec ma femme, hein? Fait que j'ai pas pu rien faire. Ben quoi que, je faisais semblant de peinturer. On était ça sur la plage. Mon épouse a dit, arrête, t'as l'air d'un imbécile. Ben, j'ai pas juste l'air, là. Je faisais semblant de peinturer. Je regardais la petite pétone devant moi. Je disais, la pétone. Là, j'avais pas de peinture. Fait que je faisais comme, je prenais ma langue. Comme si c'était un 4 litres de peinture. Puis je m'appliquais le pinceau là-dessus. Je me suis dit, ah ouais, dans la grandeur, la pitonne à grandeur. Ah, c'est. Hey, là, j'ai dit, c'est du Van Gogh. Ah, ça, comment je vais vendre ça, cette toile-là? J'ai jamais fait de toile, moi. Dans la vie, ce que j'ai seulement peint, c'est des murs. Plein de murs. Juste des murs. Comme le poinçonneur des lilas. Lui, c'est des trous, encore des trous. Moi, c'est des murs, encore des petits murs. Avec le pinceau, là. Hey, je m'ajoutais le pinceau, puis le soir, mais j'avais le pinceau. Voilà, voyons donc. Hey, il faut un bras aiguisé. Pas juste le moineau aiguisé, là, tout aiguisé. J'avais mis une basse, mais tout le reste était aiguisé le jour, mais le soir, voyons donc. Mes enfants, vous me pardonnez. Revenez vite auprès de moi. Revenez vite que je vous donne la vie que vous devez. Qu'un jour vous aurez. Si je, dans ma tête, là, je me dis, mon épouse, nous aurons tous ces petits que dans mon cervelet, je vois depuis belle lurette. Elle là, s'est mise à pleurer. Elle dit, j'aime ça quand t'es humain. Ben voyons donc, je suis pas juste un peigneur, là. Un peignant, oui, je ne fais pas que peigner. Oh, t'es un coiffeur, mon petit champion. Non, peigner. Faire de la peigne. Prendre un mur, là. OK. Après m'avoir fait 5-6 belottes sur du contreplaqué. Belote, là, c'est. Rebelote. C'est vraiment des coups de tête, là. Là, c'est ce que j'ai fait, c'est pas avec. Regardez sur les vidéos, là. Un jour, ça sera sur les internets. Là, je suis en retard. Mais écoutez, j'ai plein de choses à m'occuper, là. Ah. Si un jour, on me dit réel, ça, c'est important, là, réel, tu n'auras qu'une seule action. Tu sais, qu'un seul exemple, un écrivain qui vit de son écriture, pas un écrivain qui fait d'autres boulots, quoique j'ai absolument rien contre, mais un écrivain qui peut se concentrer uniquement de son art d'écrire dans la vie, marcher dans ses prés, devant ses pommiers, ses pruniers, ses bananiers, ses chanteliers, ses René, c'était René, mais en tout cas. Rêvasser, rentrer dans sa demeure au chaud, devant son chat qui ronronne. Non, mais on ne l'a pas opéré. Elle en fonctionne à trois moteurs. Quand ça ne fonctionne plus, mon petit scooter électrique, je la plante devant. Allez, quatre pattes, je mets un petit moineau. Rapport, hey, monsieur, là, quatre. J'arrive même pas à suivre. Et c'est réglementaire au niveau de la police. Parce que là, il faut suivre. Là, on n'est pas des anarchistes, complètement anarchistes. On est des anarchistes intellectuels, idéologiques, sonores, musicaux, musiqui, moustaki. Quand moustaki nous chante là, la gueule, puis, pas de danser, rayonner. C'est le 31 au premier rayonner. On rayonne plus, là. On crampe jusqu'au 31 décembre 2015. On crampe, là. Puis là, on essaye de serrer moins de mains possible pour se dire, oui, tous mes amis. Parce qu'on n'a plus d'amis. Tous nos amis, souvent, sont des ennemis, sauf quelques. Vraiment, là, je crois sincèrement que 0.00. Maison des zéros, puis au bout, place un 1. C'est ton ami. Celui qui n'a jamais dit, ce gars-là, là, écoute, il est charmant, là, il a la parole facile. Là. C'est un orateur. À peine. Puis il a plein de défauts. Ouais. Il lave pas son linge. Il en achète d'autres. Il mange tout le temps dans les restaurants. Il n'y a pas une maudite scène, il se sauve. La police a un dossier contre lui. Le fédéral. La police fédérale le cherche. Le FBI aussi. L'équipe SWAT est après lui. Ils sont armés jusqu'au dentier supérieur, la quatrième molaire. Puis ça m'a l'air que lorsqu'il va sortir de sa demeure demain soir, à 19h53 pour aller manger. Non, pas du sushi parce qu'ils n'aiment pas le sushi. Dans un restaurant où on fait de la bonne, on fait cuire de la bonne viande, on court après les animaux, là, ben, il va se faire aérer la cervelle. Parce qu'ils ont fait, ils ont demandé au grand chalumeau de la paix, le grand qui est très connu dans le milieu, pour en couper, pas juste au milieu, juste en bas du cheveu. Là. Puis là, ils prennent la matière grise, ils, rapidement, ils placent ça dans le formol. Faut ils ont 15 secondes, pour, mais sinon ça tombe par terre, puis ça se répand, puis ça se dit « je me souviens. » Non, la place molle. Puis après, ben, ils revendent ça au noir. Devant la dame. On dit au noir parce que la dame sort de chez elle à 2h du matin avec sa lumière ou son lampadaire à peine éclairée, Pas la torche. Elle, c'en est une, mais intérieure. Mais habillée tout en noir dans une nuit sans le ciel, parce que le ciel se cache, il connaît la supercherie. Il sait que cette saloperie prendra des membres d'un peuple qui s'ignore. Il va cacher ça, parce qu'il faut cacher tout ça là, sous sa robe noire, et va entrer silencieusement dans son manoir. La noire rentre dans son manoir après avoir transigé quelques dollars. Comment coûte la matière grise au Québec? L'avez-vous analysé, Mme Gauthier? Non, c'est pas au timbre Gold Star que vous pouvez acheter tout ça. C'est en éliminant quelques secrets que ce soir, nous pourrons divulguer parce que notre vie est en danger. Vidanger, il y a quelques années. Eh, monsieur, c'est pour ça que depuis ce temps-là, je connais le raisin. Oh, wow, wow, wow, je coupe pas n'importe quel raisin, puis je le vois arriver vers moi. Eh, monsieur, je m'en allais travailler avant-hier. Non, hier, parce que quand tu travailles de nuit, tu sais plus si c'est hier, avant-hier. Là, il y a un type, il faisait froid, il faisait moins 58, là, et... Monsieur, avec un sac. Hey, monsieur, je le connaissais parce que ce gars-là allait souvent au palais de justice pour fraude. Quelque chose à vous vendre, j'ai mon tabac. Je vous connais. Comment je vous voyais en disant mon tabac. Il dit, c'est pas mon tabac, là. C'est pas le chanteur. Non. Toi, t'es un tabac. Je suis pas un tabac, je suis un grenier. Ben oui, mais t'es un tabac-grenier. Alors, fuis. Sinon, j'appelle mes ovnis. Ils vont vous embarquer, très cher. Et de votre chair, il ne restera même plus de la cendre. Et vous prierez pour descendre. Ça va vous coûter un bras. Tout ce que vous avez à... Pendant toute votre vie que vous avez escroté, mon pas gentil. non, il faut quand même contingenter. Non, c'est quoi? Censurer, édulcorer. Édulcoré, allez-vous savonner, édulcoré. On l'a fait son... Je l'aime, celle-là. Parce qu'on a fait un... Est-ce que je peux divulguer pourquoi je chante souvent cette chanson-là? Oui. 30 secondes. Après ça, on y va à la chanson, puis on va faire jouer de la musique. Ça va être super bon, là. Maintenant, c'est la douleur intense. Hey, moi, je t'écoute ton émission, mais pas à minuit, hein? À minuit 30, parce que t'as fini de parler. Mais bravo. Alors, donc, parce que Adlib... Les musiciens étaient extrêmement impolis lorsqu'ils ont fait jouer, bien sûr, c'est la version instrumentale de la chanson de Martine Sinclair, « Laver, laver », à Serge Gainsbourg, qui était invité là-bas. Je trouvais ça très bas. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule et très bas? Monsieur le Président, bienvenue à l'émission. Ça s'est coupé, hein? On dit, on coupe dans le gras, mon petit champion. Champion Tremblay? Non, champion Toutou. Champion Toutou. Oh mon Dieu, ça tombe quoi? L'argent tombe, c'est KRL, je t'amène ça. Non, non, t'as un peu, wow, calme-toi. Non, mais moi, parce que je me prépare, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, Dioton. Hurra, Dioton. Participes-tu? Je peux pas en parler. C'est un secret d'État, là. On a mis un point final là-dessus. Quoique... Oh oui, on a mis un point final là-dessus. Le reste sera divulgué dans quelques mois. Ben oui, dans quelques mois. Quelques jours. Quelques jours, OK. Allez-vous être là? Toujours. Je suis toujours là pour appuyer ma radio. Parce que ma radio, c'est la première associative francophone au monde! Bravo! Non, je suis tellement content de dire ça aux gens lorsque je les rencontre, là. Hey, je travaille pas pour la petite radio, moi, là. Hey, wow, là, toi, là, hey, je paye mon billet d'avion, je m'en vais te voir, ma petite championne, là. Je t'adore, je t'aime, je te trouve belle, intelligente, brillante. Sais-tu pour qui? Je fais de la radio, radio, radio, R-A-Y-D-I-O, radio. C'est pour C-K-R-L. Hey, là. Comme t'es une numéro un, ma radio, c'est pas la 2, la 3, la 4, c'est la première associative. Alors, on s'aime. Aimez-vous quand même, aimons-vous malgré l'amour, aimons-nous quand même, aimons-nous à CKRL. On s'aime, on s'aime, on est toujours collés, on se bécote. C'est comme les petits chatons ensemble. C'est un jour, puis on m'a donné ça sans don. Tout le monde ensemble, c'est KRL, c'est ça, bon, c'est beau. Aujourd'hui, le vendredi 6 mars 2015, 6 mars. Dans moins que 3 semaines, c'est le radio-tour. L'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la valise les valises, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la talentueuse et séduisante Julie Bernard. Et j'ai voulu mettre « talentueuse » avant « séduisante » parce que c'est une fille brillante, intense. Et pendant 15 secondes, lors de la discussion radiophonique, je l'ai entendu bondir du regard vers moi et j'ai vu Isabelle Adjani, sans blague. La fougue dans Adèle H. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là de François Truffaut. C'est ce regard-là que j'ai dit, oh, quelle actrice! Quelle actrice! Ce n'est pas une blague, c'est vrai. Julie Bernard est une comédienne, alors je la compare à Isabelle Adjani. Julie Bernard est une comédienne d'origine belge, formée à la Kleine Academy à Bruxelles et au cours de Jacques Lecoq à Paris. Julie Bernard obtient son premier rôle au cinéma en 2010 dans Rien à déclarer, nouvelle comédie de Danny Boone après Bienvenue chez les Ch'tis. Elle a fait après quelques trucs que vous allez entendre, mais des films d'auteur. C'est ça qui m'intéresse chez elle. Julie Bernard incarne dans ce film le personnage de Louise Vadevoor, proie du désir du douanier Mathias Ducatel, Danny Boone, au sujet de discorde à la frontière franco-belge. Je n'ai pas encore vu le film, donc je m'y mets de ce pas. Peut-être avec Myria, on verra. Ça, c'est ma copine. En juillet 2014, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette femme planante, vaporeuse. Vaporeuse aussi! Je vais en prendre deux aux anchois, madame, puis aux oignons frites. Fritez-moi ça, j'aime ça dans la poêle. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, madame! Oui, monsieur! Oui, mes amis! Shabam, pow, blop, whiz. Shabam, pow, blop, whiz. Come with me,

dans mes leftovers, j'ai Deftone Barak dans le fuck que Burnack. Sur le catwalk, texte mon laptop. La nuit est calme, faut que je presse les dames avec ma lazy walk, lazy boy, j'm'enjoy. Une bonne petite drink, c'est énorme, enjoy. All inclusive, non intrusive. J'ose, j'ose, j'ose, j'ose. Cracking dans la chaise, à la sortie de la maze. Belle small, belle plume, dit centre à l'aise. Dire quoi si tu veux, si tu veux. Security est clear, this is tout se paye. Rolling belle small, belle plume, sans balai. Lag goes Porto, I'm a fly away. 33 tours, 33 journées, y'a pas qu'au réalise, man. Jusqu'au nez. On est cracking dans ma chaise, cracking dans ma chaise. On est cracking dans ma chaise, cracking dans ma chaise. On est cracking dans ma chaise, cracking dans ma chaise. On est cracking dans ma chaise, cracking dans ma chaise. Jose, Jose, Jose, Jose. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. Soy sexe, c'est mon lazy boy. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. Jose, Jose, Jose, Jose. Cagé dans ma chaise, le gars est à l'aise. Le feu qui brasse, mais il check pour la braise. Les temps s'en vont, super duper bon. Cagé dans ma chaise, super duper freaky bon. C'est le two step front, le one step back. Shake ton cheese, sweat it out, relax. C'est le two step front, le one step back. Shake ton cheese, sweat it out, relax. Dinner in the sun, c'est une bonne idée. Y'a de la place sur le couch, petit test de lait. Jose, Jose, Jose, Jose. Il faut des mouth to mouth, petit test de lait. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. Jose, Jose, Jose, Jose. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. So you sit, c'est mon lazy boy. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. Jose, Jose, Jose, Jose. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. So you sit, c'est mon lazy boy. On est cagé dans ma chaise, cagé dans ma chaise. Jose, Jose, Jose, Jose. Dans une famille juive, tes vêtements étaient jamais neufs, en tout cas pas ces photos d'archives. En 33, l'Allemagne a changé, mais pas dans le bon sens. Le petit moustachu fâché est plus fou que tu penses. Ils vont te chercher chez vous pour te crisser dans un train. Ils vont voler tes bijoux, tes peintures et même ton chien, il te reste absolument rien. Fuck out! Décris tes mémoires. Living la vie d'Holocauste, t'es caché d'une armoire. Living la vie d'Holocauste, t'es un peu obligé de laisser ta radio au même poste. Les alliés sont en retard. Living la vie d'Holocauste. Come on! Living la vie d'Holocauste. Come on! Living la vie d'Holocauste. All right! Living la vie, living la vie. L'errance rénaldienne complice. Là, les gens se, souvent me disent, c'est-tu rénaldienne? Ben non, c'est rénaldienne. Peut-être que je prononce mal. Mille après mille, c'est rénaldienne. Mille après mille, nous sommes heureux. Mille après... Alors, l'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Visuel. C'est important d'être visuel. Moi, je l'ai vu passer, Mme Thibodeau, hein? Il était à trois pattes. Il courait après Gaétane, là, mais Gaétane n'avait pas l'air d'avoir peur, là. Elle criait « Continue, continue, je sais pas ce qui se passait. » J'étais comme endormi hein, à cette heure-là. Moi, j'ouvre mes rideaux pour bâiller. Je veux bâiller devant des beaux paysages. Moi, je m'endors tout le temps. Moi, oh, mon Dieu. Je pense que je fais de la leucémie chronique. Moi. Oh, mon Dieu. Et puis, comme le mentionnait Jim Morrison, mon ami Jim. Errance Reynoldian. C'est la mission plus stranger, la plus stranger à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Puis en plus, j'avais envie d'éternuer. C'est beau, hein? J'ai coupé le son, comme Philippe Catherine me l'a montré. Et avant-hier soir, sur Sainte-Catherine, il y avait Philippe Catherine. Avant-hier soir, sur Sainte-Catherine, il y avait Rénal et Philippe Catherine. Ils se regardaient, ils trébuchaient, ils avaient vraiment l'air d'épinés. Et là, je cherchais, madame. Non, je sais, c'était là. Ça s'entendait, hein? Il y avait une lenteur à trouver l'autre mot. Mais ça, c'est comme de liane en liane. À un moment donné, on manque la tige, puis on tombe par terre. Mais là, je suis pas tombé. Ah non, il y avait le bananier, la banane, Philippe Catherine, tout était là. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera. Arrête de jouer au micro. Non, mais c'est parce que ça taponne ce micro-là. Là. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs, c'est Monac. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil à l'improvisation. Je suis comme radio, hein? Improvisation, l'improvisation. Okay. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Ariane Robin. Alors, le mot ou la phrase, parce que... Les planchers auto-nettoyants. C'est important d'en parler parce que je pense que ça a été oublié dans la société, ça, là. Les planchers auto-nettoyants. Ça se vend pas parce que le monde a peur. Ils croient pas à ça. Ils peuvent te faire imaginer qu'un four auto-nettoyant est aussi efficace qu'un plancher auto-nettoyant. Je leur dis non. Comment fonctionne mon plancher que j'ai inventé il y a quelques mois? Là, c'est une primeur. C'est pas une rumeur, c'est une primeur. Ensuite, ça deviendra une rumeur. Après que je l'ai lancé, mon plancher auto-nettoyant, c'est très, très, très, très, très simple. Premièrement, vous nous appelez. On vous installe. C'est pas flottant, nous, là. Ah, ça flotte pas, ça lave, ça torche. Ça torche au plus brillant, là. Tu sais, quand ma mère me disait, oh, ben, on va torcher, là. C'est comme essuyer, mais étaler la saleté. Mais nous, on n'étale pas. On élimine ces esprits. On élimine, pas juste les esprits, les tâches. Y en a-tu des tâches dans notre société? On va les nommer, ces tâches-là. Ils nous pourrissent la vie. C'est pas juste des gérants, des autogérants, des propriétaires d'entreprises. Non. C'est même des politiciens, puis des crochets barbus. Je fais bien ça, les crochets barbus. Alors, notre plancher auto-nettoyant fonctionne comme suit. Suivez-moi, je vais vous le montrer. À travers les mots, là, pas à travers... Fermez vos yeux. Ouvrez votre bouche. Dites « Faites « OK. Vous êtes prêts à gober tout ce que je vais vous dire. C'est bravo, c'est félicitations. C'est quand on vous installe le plancher avec des petits trous, mais très petits trous, là, à la grosseur d'un doigt. Vous ne pouvez pas planter le pied là-dessus. Ben non, vous ne briserez pas un membre. Absolument rien. Ça, c'est pour faire pivoter les petits doigts qui vont être là. Il y a deux... Ben, ça dépend de votre grandeur de plancher, là, mais disons un plancher 3x3. 3x3, rapidement comme ça, là, c'est 168 doigts qui tournent autour de votre plancher. Ça. Alors, on met en dessous... Du monde qui va travailler pour vous, mais nous, on vous paye. Vous nous payez le plancher, mais à chaque mois, vous nous remettez une petite redevance pour le nettoyer parce que l'auto-plancher, ça doit s'auto-payer. Hein? Qui dit auto dit... T'arrêtes pas de payer, hein? Il y a de l'essence, il y a les pneus, il y a le permis, il y a les plaques. Mais chez nous, c'est pas ça, là. Le plancher, on te le place gratuitement. Ce que tu payes, toi, mon petit champion, c'est l'auto-nettoyant. L'auto-nettoyant se paye en frais virés. Virez pas trop souvent parce que sinon, on vous enlève tout ça. Puis même, on vous arrache le plancher. Vous trouvez dans le sous-sol avec les intraterrestres qui vont vous bouffer parce qu'on s'est arrangé avec eux autres. Si tu payes pas, tu te fais bouffer. Quoique, il y a 3 chanteurs qui se sont fait bouffer. Ils ont bien aimé ça. Ah, mais on les nomme pas. On les nomme pas, c'est des Québécois. Quoique, il y avait un Belge qui voulait... Non. Ah, non, pas de Belge, parce que là, le noyau est trop loin, puis ça coûte plus cher. Mais en tout cas, actuellement, là, les planchers auto-nettoyants se font uniquement dans le Nord, l'Amérique du Nord, francophone, québécois. Bon, rapidement, là, on va être un pays dans quelques semaines. On va appeler ça le Québec. Hein? Seulement là, pas ailleurs. Puis, si ça va bien... On va creuser, on va ouvrir plus haut, plus gros les trous. Puis on amènera ça en Ontario, puis dans ces coins-là, anglo. Puis on va siphonner les anglo. Puis c'est eux qui vont tourner les doigts en dessous des planchers. Mais c'est comme ça, nous autres, on marche de même. La patience me quitte quand je vois l'impudence, quand j'entends la prudence, l'interdit m'excite. Je suis un nardique, ce dont je souffre, c'est d'ardeur, car je ne suis pas un impudique, non, non. Un imposteur, pas un poseur, un narcissique, une petite merde égocentrique. Je ne prétends pas la vérité, la mienne me suffit amplement. Je suis honnête, elle m'est fidèle, prends-le comme ça, comme compliment. Grâce à elle, j'ai encore des ailes. Ma vérité, j'en suis esclave, en face du vin de 20 grammes. J'attends l'heure. Sauf moi, hier soir, mon mec a perdu, trop gentil. La boxe, c'est le noble art du vice. Ouais. Non, je ne ferai plus de jeu de mots, ou alors par pudeur, on verra bien. La genèse, c'est pas la baise, c'est le désir bien partagé. Équilibré. Alors sinon, c'est le violage. Ou alors le batifolage. C'est pas gagné. Pour une partie de désir bien partagé ou abrégé. Pour un instant ou pour la vie. Ça dépendra de nos envies. C'est là où commence la phase des prières. Qui fait qu'on s'enlace. On s'en lasse, c'est là où commence la valse des prières. Qui fait qu'on s'en lasse, ou qu'on s'en lasse. Ma vérité, j'en suis esclave, en face du vin de Wagram. J'attends l'heure. Tout le monde boit, sauf moi. Hier soir, mon mec a perdu, trop gentil. La boxe. C'est le noble art du vice. La patience me quitte quand je vois l'impudence, quand j'entends la prudence, l'interdit m'excite. Et qu'est-ce que tu fais avec un film contrairement à un autre? Quels sont tes intérêts cinématographiques? Une bonne histoire? Oui, je crois que ce sont les histoires.

fuckers anywhere. And now for the thrilling conclusion to that song. So now we'd like to do a song called Left of Center from the soundtrack of Pretty in Pink. If you want me, you can find me left of center off of the strip. In the outskirts and in the fringes, in the corner out of the grip. If you want me, find me left of center off of the strip. In the outskirts, in the fringes, in the corner out of the grip. When they ask me, what are you looking at? I always answer, nothing much, not much. I think they know that I'm looking at them. I think they think I'm out of touch. But I'm only in the outskirts, in the fringes, on the edge and off the. If you want me, you can find me left of center, wouldn't it help? I think that somehow, somewhere inside of us, we must be similar, if not the same. So I continue to be wanting you left of center against the rain. If you want me, you can find me left of center off of the strip. In the outskirts, in the fringes, in the corner, out of the grip. When they ask me, what are you looking at? I always answer, nothing much, not much. I think they know that. Yeah.

Ah oui, moi je vis ici. Save him, I got the morning glory story to tell. Save him, I got the morning glory story to tell. Hop, skip and a jump and a bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump. Hop, skip and a jump and a bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump. Alakazoo, alakazam, said I can scam, said I fuck a fuck up in my band. So, never mind, rewind, I find ground, said I French press party, match lyrics in the mind. Pilot, tu fais fin, kick the can, kick the bucket, diamant, c'est la main. C'est pas de la faute, tu fais de la colle, ça se trouve à l'école. C'est pas de la faute, j'ai des goûts pour des magnifiques folles. So, je ne vous suis pas un breasted too, I guess it, ça arrive quand c'est pire de vous. So, je ne vous suis jamais manque de goût, I guess it, ça arrive quand c'est pire de vous. Se laisse jouer. So, je ne vous suis pas un breasted too, I guess it, ça arrive quand c'est pire de vous. So, je ne vous suis jamais manque de goût, I guess it, ça arrive quand c'est pire de vous. Hop, skip and a jump and a bump. Jump and a bump, bam, bam, bam. Hop, skip and a jump and a bump. Eye patch being curly fried. Harry's a lot being trip at Dubai. On est gone, but c'est pas à la bank. On est gone dans le sud avec le mid-size tank. Avec mon cash, lâché sous le matelas. Besoin d'un mortgage pour payer l'avocat. A street fight avec un doctorat. Je savais pas un mieux, puis je l'ai pris dans mes bras. I guess for bad for a gang, it's jam reminding. Billing over, j'ai pas dit Jehovah. Guzzle at the gas, come and Ranger Rover. J'ai de Gehovah, ça peut pas mon secret. Arrête au PIA, puis dans mon once de paix, ça fait. Un héros de jeu, j'peux pas former. Game, c'est le rem, on gagne pas dans les yeux. Faire peur dans mon pas de malheur, c'est comme la feng shui, quand c'est watch it late. Café de livre pour le mélodrame. Encyclopédia, et j'veux mon téléback. J'ai 20 ans, c'est le mardi soir. Et j'peux la marche à haut, j'veux pas faire le faux. Jump and a bump. All right. All right, ben, tu veux vraiment savoir ce qu'un 9-piece luggage set? Ouais, je te l'expliquer, right? T'as ton garment bag pour mettre ton, des affaires que tu veux pas chiffonner du stuff de même. T'as ta suitcase, mettre toutes tes valises. Ben, comme tes vêtements, tes pantalons, tout ce stuff-là. T'as besoin de ta briefcase, mettre tes paparazzi. Un duffel bag pour tout stuff que tu veux pas, comme du bulky stuff. Tu sais, t'as ton sweater, tes manteaux, stuff de même. Un hat case si tu portes des casques. Moi, je porte pas de casque, mais pourquoi pas avoir un hat case en tout cas. Je voudrais porter un casque. T'as ta toiletry kit, quand t'as besoin de te brosser les dents ou tout ce stuff-là. Là, t'as ton laptop bag si t'es comme un man of technological experience. Là, t'as comme ton man purse pour pouvoir mettre comme ta map de ta ville, quand tu veux. Pas de part, right? Là, t'as ta wardrobe trunk. Ça, c'est vraiment important, ta wardrobe trunk. N'importe quoi tu veux mettre dedans, tes mounts, toutes tes autres petites bébelles, là, si tu veux vraiment comme mettre tes souliers, si tu veux mettre tes, des outfits, tu veux mettre ça tout dans ton wardrobe trunk. Là. In fact, tu pourrais pas mettre ta suitcase, garment bag, briefcase, duffel bag, hat case, toiletry kit, laptop bag et ton man purse dans ta wardrobe trunk. Cool AM, cool AM. انتظروا الأيام انتظروا الأيام كل ليالي انتظروا الليالي كل ليالي انتظري الشوام كل صباح اطرح السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيش نعمل مش معمول نسوت ساتني كيش نعمل مش معمول مشات وخلتني من انا هل انا قبيح هل انا مختلف هل انا عربي هل انا اوروبي هل انا اندي هل انا اسود كيش نعمل واش معمول يوني مشت وخلتني كيش نعمل واش معمول قلبي دايما دايما صافي لكن واجب الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب لم انا مثله في حياتي في حياتي هذا اليوم اليوم اضراب هذا اليوم اليوم اضراب كيفاش نعمل واش معمول دنيا مشات وخلتني نسافر النجوم نسافر مع حبيبي كل أيام كل أيام وهو يوم أسود في حياتي بعدودي والأحراط كيش نعمل واش معمول الدنيا مشت خلتني كيش نعمل واش معمول عيوني مشت للسما خلتني Jamais vu de quoi ont l'air tes jambes, mais on assume qu'elles sont belles. Et tout le monde est d'accord que t'as le meilleur nom pour un lecteur de nouvelles. Bernard de Rome, Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome. Bernard de Rome. Bernard de Rome. Bernard de Rome. Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.